بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فأبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. إن شاء الله نبدأ بمراجعتي بعد الأبيات. On va réviser إن شاء الله certains vers de poésie qu'on a pu prendre de cette manzouma. قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه المعبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشر الشارف لم يحد، معاج المحذور قبل آنه قد باب الخسران مع حمرانه، وإن تتحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو وخلل، ومتلف مؤذي ليس من يضمن بعد الدفاع بالتي يحسن، والآل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرة في السياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذا كمن وما تفيدني مع كل عموم يا أخويا فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. نعم، ça c'est ce qu'on a pu prendre jusqu'à présent parmi les abiyat de la manzouma du Mouallif rahimahullahu ta'ala. كذلك avant de commencer la révision, tamam des sens que comportent les vers qu'on a pu prendre dans le dernier cours, on s'excuse par rapport à le cours de mercredi dernier. En fait, on est venu mais un peu en retard dû à la coupure d'électricité, tamam, qui était imprévue. Et donc c'est pour ça qu'on est venu en retard, on pensait qu'il y aurait trop, on aurait trop du monde. Je suis venu vers les coups de 40, lakin, je n'ai trouvé personne. Donc désolé par rapport à ça, lakin, inshallah, ça se reproduira pas, car entre temps j'ai pu brancher les panneaux solaires. Donc inshallah, tabarak wa ta'ala, ce genre de choses ne va pas se renouveler. Bi'idhnillahi azza wa jal, wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala muwasalati durus. Tam qu'Allah azza wa jal, il nous aide à ce que nos dorous, inshallah, ne soient pas interrompus. Tamam. Car min asbab alati yani yusabbib al-fashal wa yusabbib al-khalal, les absences. Tamam. Donc on avait pu voir dans le cours dernier, un peu très bien tous les vers qu'on a pris, 31 je pense. Ouais. Non, on a pu voir que le verbe mutlifu mu'ti laysa yadmanu ba'da ad-difa' billati ahsan. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il nous a fait part dans ce bait là que celui qui se défend, tamam, repousse une agression et la khiri, il ne va pas, il ne sera pas responsable des dégâts qui seront causés. Bardalati yahsanu, c'est-à-dire qu'il repousse le mal, tam, du mieux qu'il peut. C'est-à-dire ne pas emprunter les causes les plus lourdes, tam, si jamais il trouve une cause qui est beaucoup plus légère et qui n'atteint pas ou plutôt qui n'aboutit pas à ce que la personne meure, il la guérit, il lui demandait de faire cela. Il prend le sabab, la cause la moins dangereuse, afin de pouvoir repousser son mal. À partir du moment qu'il l'a repoussé, il n'a pas le droit de continuer. On a pu voir que dans cette qaïda là, on a pu voir qu'elle se divise en deux. Si jamais tu dégrades un mal, ou plutôt tu dégrades une chose en vue de profiter, et lorsque tu détériores une chose pour repousser une agression, on a pu voir qu'il y a une différence entre les deux qaïda. Dans lequel des deux, ou plutôt dans laquelle des deux situations, la personne doit dédommager les dégâts qu'il a causés. Est-ce que c'est lorsqu'il veut détériorer un mal pour y profiter, ou bien pour repousser une agression, ou une chose qui va le nuire. Dans lequel des deux cas, Yanni doit dédommager les dégâts. T'as pour un profit. En fait, tu veux dire, Yanni, lorsqu'il veut repousser une agression ou bien un mal, il est agressé. Dans ce cas-là, il est possible. Il est possible de. Enfin, dans les deux cas, il est possible. Lakin, il n'a pas à. Dédommager ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait agresser. Wallah Azza wa Jal, il a dit فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Allah Azza wa Jal, il a autorisé. L'islam, il autorise dans ce genre de situation à ce que tu repousses le mal. Et si jamais ça aboutit à ce que tu dégrades des choses ou tu détériores des choses pour pouvoir repousser ce mal-là, tu n'as pas à dédommager. Pourquoi? Parce que c'est pas toi la cause. Tu n'es pas vraiment la cause. Tu n'es pas vraiment la cause de cette. Détérioration, laquelle c'est la personne qui est venue et qui a commencé qui est la cause. Car si jamais tu n'aurais pas agressé, rien de cela ne serait passé. Donc c'est à lui de. C'est lui qui porte le fardeau. Si jamais tu détériores afin de, que ce soit en profit pour toi, c'est-à-dire pour en profiter, comme c'est le cas on avait évoqué, lorsque la personne se trouve dans un cas de nécessité, si jamais elle vient à égorger un mouton qui n'est pas à lui, il n'a pas demandé l'autorisation, laquelle s'il ne le fait pas, il n'a pas le temps de demander l'autorisation, il l'a trouvé. Il est rentré dans la cour d'une personne, il a trouvé ce mouton-là, il l'a égorgé afin qu'il puisse repousser cette daroura qui lui est survenue. Donc dans ce cas-là, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Lakin, il doit dédommager. Il doit dédommager. Pourquoi? Parce que là, il a dégradé une chose afin d'y en profiter. Donc on a pu voir la différence qu'il y avait entre les deux. On avait pu même évoquer les adillah par rapport à cela. Les adillah par rapport à cela, comme c'est le cas de Ka'b ibn Ujra, qui lorsqu'il avait fait le hajj, il avait coupé ses cheveux. Lorsqu'on parle de détériorer, c'est toute chose que l'islam il a interdit d'y mettre fin. Donc il a coupé ses cheveux afin de repousser l'époux qui le gênait. Donc Nabi sallam, il lui a dit de donner une chose en compensation de cela. Lakin n'a pas de péché. Parce que là, il a repoussé une chose afin d'y profiter lui-même. Lakin doit dédommager, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il doit donner une chose en compensation. Comme l'a évoqué l'imam Ibn Rajab, il a montré dans son livre Qawa'id Ibn Rajab qu'il y avait une différence entre les deux. Et l'adilla, comme on a pu l'évoquer, montre cela. Et on avait pu évoquer les cas dans lesquels tu peux, ou plutôt Yanni, tu n'as pas à dédommager. C'est lorsque l'islam t'autorise, ou bien lorsque le propriétaire est autorisé de détériorer cette chose-là. Dans les deux cas-là, tu n'as pas à dédommager. Tu n'as pas à dédommager parce que l'islam t'a autorisé. Et la personne qui est propriétaire de ce bien-là te l'a autorisé. Donc, c'est lui qui est responsable de la casse ensuite. C'est pas toi. Ça, c'était par rapport au premier bait. Ensuite, on avait pu voir 3 abiyat, même 4 abiyats dans lesquels c'est autour de les lettres et les mots qui dans la langue arabe ont pour sens la globalité. Donc il nous a fait part al-mu'allif wa rahimahullah ta'ala dans les premiers bayts que elle, lorsqu'il rentre dans le mot, dans un mot qui est singulier ou bien qui est pluriel, il va apporter le sens de quoi? De la globalité. De la globalité. On avait pu voir qu'à les cas où je vous ai évoqué, que elle, dans la langue arabe, il peut avoir plusieurs sens. Pour ceux qui ont étudié un peu les livres comme Al-Mutamima, ils voient ces genres de catégories que comporte le sens de elle. Le elle qui rentre dans les mots. Et celui qui apporte le sens de la globalité, c'est celui qui est nommé Al-Istiraraqiyya. Le elle de la globalité. On avait pu évoquer une norme afin de pouvoir le différencier des autres elles, ceux qui ont un autre sens que la globalité. quelle est la norme qui nous permet de savoir, yani, est-ce que cette L qui est rentrée dans le mot, c'est le L de la globalité. On avait évoqué une norme. Te rappelles-tu de cette norme-là? Non, par kul, tamam. Kulun, et kazalika jami'an, mathalan, fi qawli subhanahu wa ta'ala, wal 'asr. Inna al-insana lafi khusr. Tamam, al-insan huna, le L est rentré dans insan. Tamam, si jamais tu veux savoir, est-ce que c'est le L qui apporte le sens de la globalité, on remplace le L par kul. Tamam, kul insan lafi khusr. Donc le sens, il est possible. Donc là, c'est le cas. Plutôt il y en a un juge et naqta anna ma'na al huna l'istighraqiyya et kazalika par jami'an ou bien tous les sens qui tous les mots qui ont pour sens la globalité tam jami'an c'est un mot kazalika qui a pour sens la globalité مثلا qulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara est-ce que c'est tous les gens n'am pourquoi en remplace tu peux rentrer jami'an dedans ya ayyuhan nas jami'an antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid tam donc ces termes là ils aident pour différencier entre le sens que comporte elle. Et kadal est parmi les sens qui apportent la globalité, on a pu voir an nakirat fi siyaq an nafi et kadal ka fi siyaq nahi, tam, le mot qui est indéterminé qui est employé dans une phrase négative ou bien dans une phrase qui comporte une interdiction. Tam, ça apporte le sens de quoi? De la globalité. Kama mathalan taqul mathalan la ilaha illallah, tam, la ilaha ça, c'est le nafi, c'est une négation de toutes les divinités qui sont adorées, en dehors d'Allah. Ce qu'on a rentré là, plutôt, yani ilah, c'est nakira, il est rentré dans une phrase qui est quoi? Négative. Avec la, la ilaha, donc ça emporte quoi? Ça englobe toutes les fausses divinités, toutes les fausses divinités. Kazalika, la tukrim mujirima. Dans la phrase qui est quoi? Dans une interdiction. Là, j'ai dit la tukrim, je t'interdis d'honorer. Tam, les criminels. Mujriman, c'est un mot qui est indéfini, qui est évoqué dans une phrase dont le sens est l'interdiction, tamam. Donc, ça englobe tous les mujrim, tam, tous les criminels. Qu'ils soient grands, petits, noirs, blancs, et l'akhir. Kazalika, on a pu voir, parmi les sens qui apportent la globalité, man wama. Tam, man wama. On a pu évoquer une faïda par rapport à cela. Naam, il y a un éclaircissement de la définition de man. Qui est utilisé dans les livres de grammaire, surtout dans les livres Tam de Médine, qui est utilisé à mauvais escient. Est-ce qu'il est juste de dire pour men que c'est ismul istifham lil aqil? Est-ce que c'est bon de dire cela? Non. Pourquoi? Tu te rappelles de l'argument? Quelle est la cause? On dit lil alim. Car, si tu te rappelles, parce que cela. Parce que cela attribue à Allah un nom qui n'est, c'est pas attribué. Kadalika, un caractère tam, un caractère divin qui s'est pas attribué et ni qu'on a le dalil qui est là, qui se l'est réfuté tam. Donc nous, on se doit de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal, il a attribué à lui-même. Et kadalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-aql, tam, c'est pas une chose qu'on connaît qui est attribuée au prophète, à Allah Azza wa Jal. Et il a utilisé man, yani dans de multiples ayats, pour lui, tam, qul mar rabbus samawat. Dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Donc il a utilisé man pour sa personne. Qulillah, t'as la réponse, qulillah. Donc là, man il a été utilisé pour Allah Azza wa Jal. Donc le fait de dire que c'est l'il-aqil, c'est comme si jamais tu disais que tu attribues à Allah Azza wa Jal une chose qui ne s'est pas attribuée. T'as même qu'on ne connaît pas si jamais c'est l'attribue. Donc, et le mieux c'est de se contenter de choses qui ont été attribuées. Donc on utilise l'il-aqil parce que c'est une chose qui a été utilisée pour Allah Azza wa Jal. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Et les ayats sur ça, ils sont nombreuses. Et ma, c'est pour les ghayri al-alim. Et est-ce qu'on peut utiliser ma pour celui qui est alim? Naam, comme on a pu évoquer à travers le hadith de Amr ibn Abbasa, fi sahih muslim, lorsqu'il est venu voir le prophète sallam dans les premières heures de l'islam, il lui a demandé, il lui a dit, man nabi, ma en nabi, il lui a demandé, man nabi. Donc là, il s'est interrogé, autour de quoi? Un nabi. Ou un nabi, c'est ma'aruf, c'est une chose, c'est une personne qui est dotée d'une, de science, tamam. Donc, ma, là, il est utilisé pourquoi? Pour une personne qui est dotée de ilm, tamam. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit que tu peux utiliser cela, ma, pour, l'alim, ou les ghayri alim. Lakin, celui qui est plus utilisé, c'est ma. Tamam, ma, c'est pour les ghayri alim, et man, c'est pour al-alim. Lakin, il n'y a pas de mal à utiliser ma, pour Al-Alim comme le prouve le hadith. Le hadith il est sahih dans le sahih de muslim. Donc ça mène, ça englobe tout. مثلا قول سبحانه وتعالى لله من في السماوات ومن في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala appartient ceux qui sont dans la terre et dans les cieux. On a utilisé man, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la terre et tous ceux qui sont dans les cieux, ils appartiennent à Allah azawajal. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé man. كذلك قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل نعم صالحا, c'est-à-dire toute personne qui a fait une œuvre pieuse, il sera récompensé de la récompense qui est évoquée après. Et les ayats في ذلك كثيرة. Et pour ma, مثل قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Et toute chose, là on utilise ma, toute chose que vous dépensez, yani pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va vous le remplacer, il va vous remplacer. وما آتاكم الرسول فخذوه. Toutes les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم vous a données, prenez-les. Donc là on utilise ma pour la globalité. Les exemples ils sont nombreux. كذلك parmi les mots qu'ils étudient, qui apportent le sens de la globalité, المضاف إذا أو المفرد إذا أضيف. Le mot singulier lorsqu'il a l'accès à un autre. مثلا قل سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه هنا إلى مضاف. إلى مفرد. إلى نكسة à un autre qui est le lafz al-jalala, Allah Azza wa Jal. Donc lorsque tu dis bismillah, c'est comme si tu disais bi asma illah, c'est-à-dire par tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Je prends l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant tous les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ismu, terme qui est singulier et qui est annexé à un autre, donc ça apporte le sens de la globalité. Ça c'est des choses qui sont importantes à connaître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces mots-là, tu les connais, tu n'as pas le droit de prétendre qu'il est que ce mot-là, il apporte pas la globalité, ou bien qu'il apporte dans son sens, il englobe une majorité sur la globalité. Ça, c'est une prétention. C'est-à-dire que c'est à toi de ramener le dalil. Pourquoi? Parce que Nabi Sallam a dit, al-bayyinat al-mudda'it. C'est-à-dire, lorsque tu connais une chose, elle est, sa base, elle est telle, t'as pas le droit de dévier de sa base que si jamais t'as un dalil. Pourquoi? Parce que tu as prétendu l'inverse de l'origine sur laquelle s'est instauré ce mot-là. Donc, c'est à toi de ramener la preuve. لقوله سبحانه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينات على المدعي. تمام. Les arguments sont demandés à ceux qui prétendent. Donc inshallah on poursuit. النظم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المؤلف رحمه الله تعالى dans ce vers là nous fait part d'une nouvelle qaida dans laquelle il nous informe que tout jugement dans l'islam il ne pourra être mis en vigueur qu'après que toutes les conditions soient réunies et que toutes les choses qui empêchent ce jugement d'être mis en vigueur soient absentes. Ça c'est le sens de ce vers-là. وَلَا يَتِيمُ الْحُكْمُ. Le jugement ne peut être mis en vigueur حَتَّى تَجْتَمِعَ, jusqu'à ce que soient réunies كُلُّ الشُّرُوطُ, toutes les conditions وَالْمَوَانِعَ تَرْتَفِعَ, et que les choses qui empêchent de mettre en vigueur ce jugement-là ne soient pas soit absente. Ça c'est le sens de cette qaïda là. Et cette qaïda là, comme l'a évoqué l'imam al-Sa'di rahimahullah dans l'explication de cette poésie, il dit que cette qaïda là, il dit aslun kabirun wa qaïdatun azimah, que c'est une base, une grande base pour celui qui l'aura compris, et une grande qaïda. Il dit yahsul biha liman haqqaqaha naf'un azim. Celui qui l'aura bien compris et appliqué comme il se faut, il va profiter énormément de cette qaïda-là. قَالَ وَيَنْفَتِحُ لَهُمْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ فَهْمِ النُّصُوصَ الْمُطْلَقَةِ. Et ça va l'aider à comprendre les textes qui sont venus d'une manière absolue, qui en vérité ont des sens ou bien des restrictions. Ça va te permettre de connaître et de comprendre les textes qui sont évoqués d'une manière, d'apparence, qui comporte un sens, en vérité, qu'ils ont des restrictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conditions qui sont liées à ce jugement-là, qui font que ce jugement, en vérité, il est restreint et la khalihi. Donc cette qaïda-là, c'est une qaïda qui est vraiment énorme et qui s'applique à tous les jugements dans l'islam. Qui s'applique à tous les jugements dans l'islam, ou plutôt à une grande majorité de jugements dans l'islam. Les hadiths qui prouvent la véracité de cette qaïda-là, ils sont nombreux. Et parmi les preuves de cela, كما يقول العلماء التتبع والاستقراء, c'est-à-dire que les ulama, ils ont analysé les textes du kitab de la sunna et ils ont déduit cette qaïda là. Donc si jamais on demande quel est le dalil qui montre la véracité de cette qaïda là, نقول التتبع والاستقراء. التتبع c'est-à-dire qu'ils ont analysé les textes du kitab et de la sunna, et ils ont pu déduire après cette analyse là que cette qaïda là, à travers les exemples et les ayats et tout ça, les preuves qu'ils ont pu trouver, approuve bien la qaïda qu'ils ont évoquée. Et parmi les exemples qui prouvent cela, أن الله سبحانه وتعالى حكم على من أقام الصلاة أنها سوف تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل nous fait part dans cette ayah là que la salah, celle qui est accomplie comme avec une gestuelle qui est conforme au suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, en ayant amené les conditions, amené les piliers et les obligations et l'akhirihi, et qu'il ait pris avec un cœur qui soit présent, il dit que cette salat là, elle va être un profit pour celui qui aura prié de cette manière là, c'est à dire qu'elle va l'empêcher de tomber dans la turpitude, dans la turpitude. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Lakin ce profit là qui est qu'elle va t'empêcher de tomber dans la turpitude, il ne pourra cette récompense là ne pourra t'être donnée qu'après que tu auras ramené les conditions pour cela, les conditions pour cela. La prière en elle-même, elle a des conditions. Parmi ces conditions-là, comme on a pu le voir, yani istiqbal al-qibla, kazalika al-niyya, kazalika na'am al-wudu, tamam al-tahara, yani fil libas, na'am kashmu satr al-awra ila akhirih, parmi les conditions qu'on a pu évoquer dans le cours de sifat as-salah. Tamam elle a ces conditions, c'est-à-dire que celui qui ramène pas une de ces conditions-là, cette salat-là, même si le mal a été fait avec un khushu' et dont la gestuelle elle est conforme à la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne va pas être profitable à cette personne-là, même ce sera une salat qui sera batila. Tam kazalika, tam il faut que les choses qui empêchent de pouvoir voir cette personne-là être rétribuée tam de cette grande récompense qui est qu'elle va t'interdire de tomber dans la turpitude et l'akhirihi, tam elle va t'empêcher, elle va t'interdire cela. Il faut kazalika que les choses qui empêchent cela ne soient pas présentes, tam il faut qu'elles soient absentes. Et parmi les choses qui empêchent cela, arriya, tam arriya, le fait l'obstentation, kazalika shirk. Le shirk, c'est une chose qui empêche que cette prière-là te soit profitable. Et kazalika, le fait de parler et la khirihi pendant la prière, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont empêcher la personne qui le fait volontairement, bien sûr, à ce que cette salat-là, elle lui soit profitable, c'est-à-dire qu'elle lui interdise la turpitude. Kazalika, Allah subhanahu wa ta'ala, kazalika, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa'ada fi. Naam, غير من حديث, dans plus d'un hadith, أن من قال لا إله إلا الله وأتى بمقتضاها, celui qui aura dit لا إله إلا الله et aura ramené les choses pour cela, et bien ce قول là, il va lui être profitable, même si jamais il ramène ce qu'il aura ramené parmi les péchés, à partir du moment que ce ne sont pas des péchés qui annulent l'islam. لكن كذلك ce fadl, le mérite de la ilaha illallah, et c'est-à-dire de le ramener avec pour cela il y a les choses qui en Suisse, c'est-à-dire les droits de la ilaha illallah qui est la prière et la zakat, tamam, celui qui veut profiter de ce grand mérite là, il faut qu'il ramène pour cela les conditions, tamam, il faut qu'il ramène pour cela les conditions, et ma'ruf yani hatta la ilaha illallah ses conditions, tamam, ses conditions, c'est-à-dire la science, le al-qaboul et l'akhirihi, parmi les conditions, les sept conditions, même huit, qui sont connues à la ilaha illallah. Celui qui ne ramène pas une de ces conditions-là, même s'il le dit, ça ne sera pas profitable pour lui. Pourquoi ? Parce que ce jugement-là, qui est lié à le fait de dire la ilaha illallah, il a ses conditions. Il faut que, pour que tu puisses te voir rétribuer du mérite d'avoir dit la ilaha illallah, il faut que tu ramènes les conditions. Et kazalika, que tu évites d'avoir fait les choses qui vont t'empêcher de pouvoir profiter de ce mérite qui est la ilaha illallah. Et les exemples par rapport à cela, ils sont nombreux. Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, il a évoqué kul shurut. On va évoquer ma'na al-shart, la condition en français. Al-shart, fil lughat al-arabiyya, c'est al-alama, le signe, un indice. Wa minhu qawlu subhanahu wa ta'ala, fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta, fa qad ja'a ashratuha. Dans cette ayah-là, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande ceux qui prétendent, qu'ils ont mis au défi Allah Azza wa Jal de faire venir Yom al-Qiyamah, parce qu'il démonte les versets du Coran et kazalika la hadith. Il dit tout cela, ce sont des mensonges, faites venir un sa'a, empressez-nous le châtiment qui nous est réservé. Ils ont mis au défi Allah Azzawajal. Est-ce qu'ils attendent as-sa'a, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, afin qu'ils croient? Donc il nous dit, Allah Azzawajal dit que, est-ce qu'ils attendent avant de croire le jour du jugement dernier, alors qu'on a déjà fait précéder à cela des signes évidents qui montrent la venue du jour du jugement dernier. Donc il a évoqué le mot ashratuha. Tam ashratuha, c'est le pluriel de shart. Tam shart, il a plusieurs pluriels. Il a shurut, shara'it, ila akhirihi, et kadhalika parmi ces pluriels, ashrat, tam ashrat. Donc là, il a utilisé ashrat pour dire alam, c'est-à-dire les signes de la fin du temps. Les signes de la fin du temps. Ça, c'est dans la langue arabe. Amma fi shar', dans l'islam, lorsqu'on utilise, lorsqu'il est évoqué ashrat, comme on a pu le voir kadhalika à travers les durus de sifat as-salah, قالوا هو ما يلزم العدم بعدمه لذاته. Tam, c'est la chose qui, lorsqu'elle ne sera pas remplie, elle va annuler. Tam, la chose qui est conditionnée, comme la prière, elle a quoi comme condition? El wudu. Celui qui ne remet pas le wudu, salat sera annulée. Pourquoi? Parce que el shart, tam, c'est une condition en elle-même qui invalide l'adoration si jamais elle n'est pas ramenée. قال ولا يوجب الوجود. C'est-à-dire que si jamais tu ramènes la condition, ça, c'est pas forcément que ça va valider, ça va valider la prière, parce que ma'rouf, le shurut, il y en a plusieurs, et kazalika, il y a des choses qui empêchent. C'est pas toute personne qui a fait le wudu qu'on peut dire que la prière elle est acceptée. Il y a d'autres choses qui en suivent. Donc c'est pour ça qu'ils disent yalzam al-adam ou yalzam min adamihi al-adam bidatihi. Elle oblige l'invalidité de l'adoration en elle-même, si jamais elle n'est pas ramenée. Lakin, elle n'oblige pas, si jamais elle a ramené, la validité de l'adoration. Comme c'est le cas de l'wudu. Est-ce qu'on juge à toute personne qui a fait l'wudu que sa prière l'a acceptée là? Donc c'est pour ça qu'ils disent, ça n'implique pas, si jamais tu ramènes la condition, que cette condition-là en elle-même, elle valide l'adoration. Parce qu'il y a d'autres conditions, il y a d'autres choses qui sont des éléments pour que l'adoration soit acceptée. والمانع puisqu'il a évoqué الموانع تام كل الشروط نعم كل الشروط والموانع ترتفع. المانع معروف, c'est la chose qui empêche, c'est la chose qui empêche dans la langue française. تام وقال الامام الشنقيطي عليه رحمه الله, تام, le sens de المانع lorsqu'il est évoqué dans le kitab wa sunna, قال هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. Il dit c'est la chose qui n'implique pas forcément, si jamais elle est absente, de valider l'adoration et kadhalika de la valider et de l'invalider. Si jamais elle n'est pas présente, c'est-à-dire la chose qui va empêcher, la chose qui va empêcher la validité, le mani, on va dire le shirk. Si jamais tu fais pas, la personne a pris et elle ne fait pas de shirk, il n'a pas ramené cette, ou plutôt cet empêchement-là, il n'est pas présent. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas présent, ça implique forcément que la prière soit valide là, que la prière soit valide là, comme on a pu le voir, il y a d'autres choses et d'autres éléments qui sont bâtis, ou plutôt sur lesquels sont bâtis l'adoration. C'est la chose qui, lorsqu'elle n'est pas présente, elle n'implique pas forcément la validité et l'invalidité. Amma, si jamais elle est présente, si jamais l'empêchement est présent, eh ben, en lui-même, il va quoi? Il va empêcher même la validité de cette adoration. Donc ça, c'était pour expliquer les mots qui ont été utilisés dans cette qa'ida-là. Amal hukm wa ma'ruf, c'est le jugement. Comme on a pu évoquer, al-hukm, ou plutôt cette qa'ida-là, elle englobe tous les jugements. Elle englobe une grande partie des jugements. Tous les jugements dans l'islam, il faut, afin qu'ils soient mis en vigueur, que les conditions soient requises et que les choses qui empêchent la validité de ce jugement, ils soient quoi? Ils ne soient pas présentes. Et kadhalika, mimbab al-fa'ila, ça englobe kadhalika les ahkam qui sont évoqués sur les personnes en particulier, min takfir, ou tafsir, ou tabdi'. Lorsqu'on veut rendre une personne mécréante, ou bien innovateur, ou bien que c'est un pervers, il a été perverti. Kadhalika, ces jugements-là, kadhalika, ils ont des conditions, ils ont des choses qui empêchent. Il faut que ces choses-là soient requises afin qu'on puisse juger de la personne du jugement qui n'aura milieu et on revient d'être évoqué. Et ça passe par cela, qu'on soit sûr avant toute chose que cette personne-là, elle ait bien dit cette chose-là qui implique soit une innovation dans l'islam, ou soit un coufre dans l'islam, ou bien un fisc dans l'islam. Donc ça, c'est une première des conditions. Qu'on s'assure vraiment que cette personne-là, tant que la parole qu'il a dit ou bien le geste qu'il a fait, tant il lui est bien attribué. Si jamais il lui est bien attribué, après cela, kadhalika, tamam, on se rassure que cette personne-là, naram, afin de juger de cette personne-là, qu'il soit mécréant ou bien qu'il soit un mubtadi', que ou bien qu'il soit kadhalika un pervers, et l'akhiri, une personne qui est pervertie, qu'il n'y a rien qui empêche de pouvoir juger du jugement qui est impliqué. C'est-à-dire qu'il faut savoir, est-ce que cette personne-là est ignorante? Est-ce que cette personne-là l'a fait par volonté? Est-ce que cette personne-là a interprété ou pas? Est-ce que cette personne-là l'a dit par erreur et l'akhiri parmi les mawani', les choses qui empêchent le jugement, si jamais elles sont présentes? Celui qui dit une chose qui implique un kufr, alors qu'il l'a dit sans volonté, tamam, on ne peut pas juger de cette personne-là qu'il est quoi? Qu'il est kafir. Pourquoi? Parce que elle amal bin niyat, les œuvres selon les intentions. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette personne-là lui a dit, est venue lui a dit, Masha'Allah wa shi'at, il a joint la volonté d'Allah, la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la volonté d'Allah azza wa jal. Ça c'est ma'ruf, le fait que tu mettes sur le même pied la volonté d'Allah, la volonté d'une créature à celle d'Allah azza wa jal, ça c'est du shirk. Parce que shirk c'est quoi? At-taswir, c'est de mettre sur le même pied des stades, les attributs qu'Allah, par lesquels Allah azza wa jal, il est qualifié, et ceux par lesquels ils sont qualifiés les créatures. Donc cette parole-là en elle-même c'est une mécréance, c'est une mécréance. Est-ce que ce sahabi lorsqu'il a dit ça, il a intentionné, il a volontairement ce que comportait ce sens-là? Non, c'est une erreur, c'est une erreur de sa part. Ensuite le prophète il a corrigé, il a dit قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ قَالَ أَجْعَلْتَ لِي لِلَّهِ دِنْدًا. M'as-tu mis comme égo avec Allah Azza wa Jal? قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ. Dis Masha'Allah, puis ma volonté, puis ma volonté. Donc là, kazalika, ça nous montre la véracité de ce quoi? De ce qaïda-là. Que ce n'est pas tout jugement dans l'islam qui est forcément appliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, il y a des choses qui empêchent de pouvoir juger et mettre en vigueur ce jugement-là. Et kazalika, la troisième condition, on a évoqué que on soit sûr que cette parole-là ou ce geste-là, il est attribué à cette personne-là. On se rassure, c'est-à-dire iqamatul hujjah. On se rassure que cette personne-là, a sait ce qu'elle est en train de dire, Et kadhalika an-nusḥ, an-nusḥ qabla dhalika qabla iqamatul hujjah an-nusḥ, an-nusḥ wal bayan. Et en fait, ça rentre un peu dans iqamatul hujjah, c'est-à-dire on conseille la personne et on lui expose la vérité. Ça rentre en vérité dans iqamatul hujjah. Donc deux choses. On s'assure que cette personne-là, elle est tombée dans la mécréance, que vraiment c'est lui qui est tombé dans la mécréance, ou bien qu'a dit cette mécréance-là, ou bien cette innovation-là, il a khiri. Ensuite, on vient et on lui évoque les preuves et on lui expose le bayan de la vérité. Et ensuite, on voit après cela. Est-ce que cette personne-là l'a dit volontairement? Est-ce qu'elle a fait par erreur? Est-ce qu'elle a pu faire interprétation? Il a khiri. Donc, kazalika les jugements qui sont évoqués dans le takfir, dans le tabdi', kazalika ça rentre dans cette qaïda-là qui dit que naram, les jugements, ils ne sont mis en vigueur que après que les conditions soient regroupées, et kazalika que les choses qui empêchent de pouvoir le mettre en vigueur, ils ne soient pas présents. Et même bab al-faïda, car ces jours-ci, on entend beaucoup de personnes parler autour du takfir, le tabdi' et l'akhirihi. Certains accusent injustement ceux qui ont dans les mains le jugement, le véritable jugement, pour vous dire que cette personne-là, مثلاً, c'est un murji, cette personne-là c'est un mubtadi', cette personne-là c'est un kafir de l'akhirihi. Lorsque vraiment le jugement il est mis en vigueur, tu les vois les accuser injustement en disant c'est un haddadi, il a du rouleau, il a de la démesure dans ses jugements et la khiri, alors que la personne elle a tous les éléments en main pour pouvoir juger de cette personne-là qu'elle est soit sortie de l'islam ou bien qu'elle est sortie de la sunna. Donc on va évoquer minbab al-nasiha wa minbab kadhalika at-ta'lim, afin que nos connaissances elles se fortifient ou bien qu'elles se décuplent, que les personnes qui tombent dans les bid'a et kadhalika dans le bid'a, ils sont de plusieurs catégories, des personnes qui ne sont pas connues comme étant des gens de la sunna. Tamam. Ces personnes-là, qui est connue comme étant un ikhwani, comme étant un takfiri, comme étant il akhirihi, tu as même ces personnes-là qui sont connues pour s'affiler à la bid'a. Lorsqu'on regarde la manière que les ulama, ils ont, ou plutôt le chemin qu'ils ont pris les ulama dans ce sens-là, ils ne se contentent pas d'exposer tam, celui qui est mubtadi' mubtadi' ila akhirih, tam, celui qui est kafir, c'est un kafir, tam, celui qui est kafir asli, t'as pas à venir et lui tu fais iqamatul hujja alayhi, tam, celui qui est chrétien à la base, tu vas pas avoir un doute, tam, c'est un chrétien, c'est ma'rouf, on a les preuves que c'est un chrétien. Est-ce que tu es obligé de venir après cela exposer à cette personne là pour lui dire yani attention, tu es dans un danger, la khalil ma'rouf, yani cette personne là c'est un chrétien, tam. Donc celui qui n'est pas connu comme étant sur l'islam, yani à la base d'origine, ou bien qui n'est pas connu à l'origine pour être sur la sunna, cette personne-là, on n'a pas besoin de venir faire un qamatul hujja. Le tablir, c'est un tablir. Le tablir, c'est celui qui est connu. Pour jama'at al tablir, c'est un tablir. Fahawla al-ulama la-ishtaratuna fihim iqamatul hujja, c'est-à-dire d'exposer la vérité. Pourquoi? Parce que c'est l'asl fihim. C'est l'asl fihim. Et qamatul hujja, on la ramène lorsqu'on doute que cette personne-là, est-ce que vraiment elle a fait par volonté et la khiri, afin de se rassurer, afin de ne pas commettre une injustice, parce qu'il fait partie des plus grandes injustices, de juger d'un jugement qu'il n'est pas, qu'il ne revient pas à cette personne-là. Ça fait partie des plus grandes injustices, comme l'a évoqué l'imam Ibn Abil Iz, alayhi rahmatullah, dans Sharh al-Tahawiyyah. Sortir une personne de l'islam ou bien une personne de la sunna, injustement, ça fait partie de la, d'une grande, qui, c'est une grande injustice, il y en a dans l'islam. Le deuxième qism, c'est ceux qui sont tombés dans la sunna, qui sont connus comme étant des gens de la sunna et qui sont tombés dans la bid'a. Les ulama dans cela, à la fin on va évoquer la parole du Cheikh l'Islam. Tout ce que ça c'est un résumé de la parole du Cheikh l'Islam, et à la fin, inshallah tabaraka wa ta'ala, on va lire la parole du Cheikh l'Islam pour appuyer les arguments, plutôt les taqsim, les catégories qu'on a évoquées. Donc la première catégorie, celui qui est connu comme étant sur la bid'a ou bien dans le kufr d'origine. Deuxième, ceux qui sont connus comme étant affilés à la sunna, tamam, et qui sont tombés dans la bid'a. On a les preuves qui remontent à cette personne-là, qui a dit une parole qui est une bid'a, oui, une parole qui est du kufr, une parole qui est, ou plutôt on parle dans la bid'a, une parole qui est une bid'a, il est connu de la sunna. On sait que cette parole-là, il l'a dit, ou bien ce geste-là, il l'a fait, et ce truc-là, cette chose-là, elle implique un tabdi'. Lakin, les ulama, dans ce genre de situation-là, ils ont divisé en deux les personnes parmi la sunna qui sont tombées dans la bid'a. T'as ceux qui sont tombés dans une bid'a qui est wadiha, qui est Jali Yadiddan, parmi les gens de la sunna, comme ils ont évoqué celui qui tombe dans comment s'appelle dans la bid'a al-qadariya, ceux qui disent que Naham al-Abd tamila Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas la volonté, il n'a pas la capacité d'avoir une volonté sur comment s'appelle les œuvres des ibad, ça c'est ma'rouf, c'est bab al-qadar. Il dit ça c'est une bid'a qui est wahira jiddan, c'est-à-dire qu'elle est tellement apparente que tu n'as même pas besoin de venir exposer parce que elle est vraiment apparente. Tu as même qu'à les cas ceux qui sont tombés dans la bid'a de Khalq al-Qur'an, ceux qui ont dit que le Qur'an il a été créé, ou bien qu'ils se sont abstenus de répondre oui ou non. Tu as même qu'à les cas, ça c'est une chose qui est connue dans l'islam, c'est-à-dire que c'est tellement connu, tu as même que cette connaissance-là, elle n'a pas besoin, tu as même, elle n'a pas besoin que tu viennes et que tu viennes lui expliquer. Tu as même, donc ils ont évoqué ceux qui tombent parmi les gens de la sunna dans une bid'a qui est wadihatun jiddan, tu as même, comme c'est la bid'a de Qadar, la bid'a de Khalq al-Qur'an. Pour ces personnes-là qui font partie de gens de la sunna, kadhalika, tu n'as pas besoin de venir exposer. Tu as même les preuves pour te rassurer. Est-ce que cette personne-là, tu as même, elle a suivi volontairement ou pas? Ça suffit qu'il l'a dit, et ça, c'est une chose qui est connue dans l'islam, bid-darura, tu as même, qui est vraiment connue. Tu as même, le fait qu'elle soit tellement connue, c'est, on se passe dans ce genre de situation-là, de venir exposer. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est connue, tu as même, qui est connue. Ensuite, ils ont évoqué le deuxième qism, c'est celui qui tombe dans la bid'a parmi les gens de la sunna, qui tombe dans la bid'a qui est khafiyya, tu as même, qui est khafiyya, qui n'est pas connu et tellement répandu comme c'est le cas des bid'a qui sont wahira et jaliya. Dans ce genre de situation-là, naam, les ulama, tamam, ils conditionnent pour cela que le bayan y soit exposé, tamam, que le bayan y soit exposé, comme ils appellent ça, yaqamatul hujja, tamam, qu'ils appellent ça yaqamatul hujja. Celui, مثلاً, comme c'est le cas de certaines personnes qui parlent dans le mas'ala de irja, c'est-à-dire qu'ils prétendent que tu peux rentrer au jannah sans œuvre. Kazalika, ceux qui sont, c'est ma'rouf, yani, ils viennent avec des hadiths, tam, et des preuves qui sont ambiguës, tam, des preuves qui sont ambiguës. Mutashabihat minal adillah, tam, et al-adillah, t'en as ceux qui sont équivoques et ceux qui sont explicites, Donc ces personnes-là, on vient, on expose, on expose la preuve, on lui expose la preuve, il y en a tel qu'elle est, et c'est pas parmi les conditions de Iqamat al-Hujjah que lorsque tu exposes le bayan qu'il revienne. C'est-à-dire que tu exposes bien comme il faut, et même si jamais après cela il prétend, toi tu as fait ton travail, c'est-à-dire que tu lui as exposé les preuves qui sont claires et qui ne sont pas équivoques, qui sont explicites. Donc lui, cette personne-là, on l'a expliqué, on est venu avec les preuves qui sont explicites. Même si jamais après cela, il prétend encore ou bien il délibère et l'akhiri, on se contente de lui avoir montré devant ses yeux les preuves qui sont explicites sur cela, et ceci, Inch'Allah, suffit. À partir du moment où tu as dans le cœur une certitude que cette personne-là, elle est en train de suivre sa passion, c'est-à-dire que tu as exposé les preuves, et malgré cela, il est encore en train de jouer, et bien là, à partir de là, tu peux juger de cette personne-là qu'il est murji ou bien qu'il est mubtadir al-akhiri. Pourquoi? Parce que Ahlul Bidah, c'est qui? Ahlul Hawa. C'est ceux qui suivent leur passion. Tu lui as exposé les preuves, et à travers cela, tu as vu que cette personne-là, vraiment, elle est en train de suivre sa passion. Donc ça suffit. C'est pour ça que vous voyez les ulama, des fois, ils téléphonent. Ils disent que cette personne-là, elle est tombée dans la bid'a. Lakin, tu vas voir certaines des personnes, ils vont quoi? Juger que cette personne-là, c'est un mubtadir. Et d'autres, ils vont dire, il est tombé dans la bid'a, mais je ne vois pas encore qu'on peut dire que c'est un mubtadir. Lakin, les deux sont d'accord pour mettre en garde contre cette personne-là. Lakin, il y a une divergence entre les deux. Est-ce que c'est un mubtadir? Est-ce que c'est pas un mubtadir? Ça, c'est ma'ruf, yani, c'est un jugement qui peut avoir lieu dans l'islam. Pourquoi? Parce que pour juger d'une personne qui est sortie de la sunna, eh ben, il faut que tu aies dans le cœur une certitude ou bien une forte probabilité que cette personne-là a suivi sa passion. Et ça différencie d'une personne à une autre. Et ça différencie qu'à Dalika, des preuves qu'a exposé cette personne-là et des preuves qu'a exposé l'autre personne. Une personne peut avoir exposé d'une manière claire ou bien il a des preuves qui sont beaucoup plus tangentes, qui lui permet de pouvoir juger que cette personne-là est en train de suivre sa passion, malgré qu'il a des preuves qui sont équivoques. Et l'autre, il est encore dans le stade où il doute vraiment, est-ce que cette personne-là est en train de suivre la passion, ou bien est-ce qu'elle a encore des ambiguïtés et la khairi. Donc ça, c'est une différence qu'il peut avoir, lakin, c'est pas une différence qui fait que ces deux personnes-là, ils sont... leur jugement en vérité est différent. Là, ils sont tous d'accord que cette personne est tombée dans la bid'a. Il faut s'écarter de cette personne-là, mettre en garde contre son mal, lakin. Après, est-ce que c'est un mubtadi? Est-ce que c'est pas un mubtadi? Ça, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que les étapes qui te permettent d'y aboutir, ils sont différentes d'une personne à une autre. Katalika, parmi les choses qui est bon de connaître, c'est que le jugement katalika, il peut différencier lorsque la personne elle est morte, parmi les gens de la sunna. T'as une personne qui tombe dans la bid'a, qui a dit une parole qui est conforme à celle des mubtadi' et la khairi. Lakin, on a connu cette personne-là, ou plutôt on a connu cette parole-là, après qu'il soit mort. Comme c'est le cas, on va citer maintenant de l'imam al-Albani, alayhi rahmatullah. Il a une parole qui est ma'roufa, qui dit al-amal shartun kamal. Il dit que les œuvres, c'est une condition afin de parfaire ta foi. Et c'est pas une condition afin de valider la foi. Ma'ruf, ça c'est une parole qui est conforme au madhhab et à la parole des murji'ah. Lakin, le Sheikh al-Albani ma'ruf, il a des kutub, il a des muhadarat, qui montrent que c'est une personne qui défendait la sunnah. Donc nous on reste sur l'asl, c'est-à-dire que c'est une personne qui était quoi sur la sunnah. Lakin, il a dit une parole qui est une khata. Est-ce qu'on est convaincu que cette personne-là, vraiment, elle avait comme aqida ceci ou cela? Peut-être qu'il est tombé, comme c'est le cas du hadith Yannis Shafa'a, qui l'a mis dans l'ambiguïté et qui a fait qu'il a prononcé cette parole-là. Lakin, peut-être que si jamais on serait venu, on l'a exposé avec les preuves qui sont tangentes, qui sont explicites, il serait revenu, comme c'est le cas de Sheikh al-Albani, il est ma'rouf, lorsque la vérité le présenter, il revient directement, comme les personnes, ils peuvent en juger, ni à travers les nombreuses cassettes dans Silsilat al-Huda ou al-Nur. Donc c'est une personne qui est ma'rouf, lorsque la vérité est exposée, elle revient. Donc cette personne-là, elle est morte. On n'a pas les preuves qui nous permettent de savoir et connaître vraiment est-ce que cette personne-là, elle a suivi sa passion ou pas. Donc on reste sur la base, c'est-à-dire qu'on le connaît à la sunna, et on dit, on met en garde contre cette parole-là. On dit cette parole-là, elle est conforme à celle des murji'a, lakin Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, il est loin et distant de l'irja, lakin c'est une khata qu'il a fait. Mais la personne qui est vivante, c'est un jugement qui est différent. C'est-à-dire qu'on doit venir lui exposer les preuves formées à la kitab à la sunna et les preuves qui sont explicites, lui montrer qu'il est dans l'égarement, que ces preuves-là, ce sont des preuves qui sont ambiguës et qu'il faut suivre l'explicite parmi les preuves comme Allah subhanahu wa ta'ala il a exhorté. Et ensuite, si jamais on voit qu'il ne répond pas à cela, tamam, eh ben, cette personne-là, tamam, elle est exposée à ce qu'il soit jugé comme étant mubtadi'. Pourquoi? Parce que celui qui, comme l'a dit le prof Allah Azzawajal, فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّهُ يَتَّبِعَ هُوَ. Lorsque tu viens, tu exposes la preuve et qui ne suit pas la preuve, il dit Allah Azzawajal, si jamais tu, ou plutôt il est dit dans le verset, si jamais tu vois qu'il ne te répond pas après avoir exposé la vérité et les preuves qui sont explicites, ils disent, sache que ces personnes-là, ils suivent leurs passions. Et c'est qui suit les passions? Ma'ruf, yani, Ahlul Bida, c'est Ahlul Ahwa, comme l'ont évoqué les ulama, dans de nombreux atars et dans de nombreux textes. Donc, une différence à faire entre celui qui est connu dans la sunna, qui est mort, et celui qui est connu dans la sunna, et qui est toujours vivant. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. Hatta, comme l'a évoqué un des ulama, des usul, il dit, celui qui est connu, pour avoir dit une parole qui est contraire au kitab de la sunna et qui est mort, on n'a pas la possibilité de venir l'exposer. Donc, on affiche cette parole-là à cette personne-là et on met en garde contre cette parole-là. Si jamais il est connu, et il est toujours vivant, connu de la sunna, il est toujours vivant, il dit, eh bien cette personne-là, on doit lui ramener les preuves. On lui expose les preuves, ensuite cette personne-là, à lui de se repentir. S'il se repent, alhamdoulilah, sinon il dit, on lui attribue le jugement, tam, qui implique l'erreur qu'il aura fait dans l'islam. Donc là, l'alim qui a évoqué ça, c'est Tifahani. Il est connu dans les, c'est parmi les ulama de l'usul. Et il a évoqué cette qu'là, on a profité dans l'un des livres de notre cher Saïd Abu Hatim, Saïd ibn Da'as, alayhi rahmatullah, et en même temps, on fait part que son frère As'ad, alayhi rahmatullah, il est décédé hier. On a Allah subhanahu wa ta'ala, an yarhamahu rahmatan wasi'a, après un accident de voiture, il est resté 3 jours dans le coma. Et il est mort hier soir, ou plutôt hier dans la journée, et ils ont prié sur sa janaza. Et c'était un frère qui était connu pour le suivi de la sunna, et pour l'amour de la sunna. Et Naham, comme son frère, il défendait la sunna, il a des écrits pour cela, Inch'Allah. On demande à Allah Azzawajal qu'il nous aide à pouvoir faire profiter l'islam, ou plutôt les musulmans, de ces ouvrages de notre frère As'ad Da'as, le frère de Saïd. Et on demande à Allah Azzawajal qu'il fasse patienter sa famille, tamam. Et Naham, qu'est-ce qu'il était marié avec la femme de Saïd, c'est-à-dire de son frère. Donc on demande à Allah Azzawajal qu'il fasse patienter cette sœur-là qui est éprouvée dans le bien, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et kadalika qui récompense ses pères, son père et sa mère, tamam, et qu'il les fasse patienter sur cette épreuve-là. Donc ça c'était Minbab kadalika. On vous fait part de cette nouvelle-là, tamam. Et comme l'a dit l'imam Ayyub Sikhtiyani, il dit « Innahu la yablughuni naham ahadun » et là il y a احد من اخواني فكان يسقط عضو من اعضائي. Lorsque on me transmet la mort de l'un de mes frères qui est dans la sunna, c'est comme si jamais j'avais perdu un membre de mon cœur, de mon corps. Donc c'est kada leka, c'est une nouvelle qui nous attriste, lakin kama qala jalla wa ala kullu nafsin dha'iqatul maut, tam, tout âme est amené à goûter à la mort. Donc on va évoquer la parole de Cheikh l'Islam comme on l'a نعم برمي قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الكلام إلي لون وبرمت جست يعني سكي سفي قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أما من وقع في البدع فإن كانت هذه البدعة جلية واضحة كإنكار الرؤية لله في الآخرة كقول بخلق القرآن وكالوقوع في الرفض والتجهم والاعتزال والقبورية فإنه يبدع ولا يشترط في تبديعه إقامة الحجة ويلحق بهم من ادعى أنه على سنة. Et dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les personnes qui sont connues, des gens de la sunna, et qui sont tombées dans une bid'a qui est wadiha, qui est jaliya, qui est fortement apparente, même, comme c'est le cas de ceux qui réfutent que Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir Allah azza wa jal, yawm al-qiyamah, ou ceux qui disent que le Coran est créé, ou ceux qui disent, yani, la bid'a de raft, qui sont rafid, qui disent les choses comme le din al-rafidah, kadhalika tajahhum, c'est-à-dire que ceux qui suivent le Jahm ibn Safwan, et kadhalika al-i'tizal, c'est ceux qui dénaturalise tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Qaburiyya, ceux qui adorent les tombes, et dit ces personnes-là, yubadda', c'est-à-dire qu'on les fait sortir de la sunna, wa la yushtarat fi tabdi'ihi iqamatul hujjah. Il dit, et il n'est pas demandé à ces personnes-là qui tombent dans la bid'a, dans ce genre de bid'a-là, de venir exposer la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est jaliya, elle est apparente comme on a pu l'évoquer, et le fait qu'elle soit apparente, ça suffit comme exposé. Et il dit, wa yulhaqu bihim man idda'a annahu 'ala sunnah. Mais celui qui après cela, donc ça, ça nous montre né le danger de prendre la défense des gens qui sont égarés. Comme c'est le cas de certaines personnes, on ne va pas citer le nom, qui se trouvent à Misr. Tu les vois prendre la défense des personnes qui sont tombées dans l'irja, ça c'est khatir. Il nous dit, وَيُلْحَقُ بِهِمْ مَنِ الدَّعَى أَنَهُ عَلَى سُنَّةِ. Et il dit, tu rejoins dans le jugement toute personne qui prétend que ces personnes-là qui sont tombées dans des bid'a, qui sont jaliyah, qui sont wariha, tu les fais kadalika, tu les fais rejoindre ces personnes-là. C'est-à-dire que tu juges kadalika qui sont sortis de la sunnah. Donc ça englobe la personne qui est tombée dans l'erreur, dans la bid'a, qui est wadiha, et kadalika celui qui prend la défense de celui qui est tombé dans la bid'a wadiha. Les deux, tu juges qui sont des mubtadi'a. Sans iqamatul hajjah, tu n'as pas besoin de ramener des preuves pour cela. Pourquoi ? Parce que le fait que c'est tellement wadih, que ceci yani suffit. قال ومن هنا كان الإمام أحمد وبزرعة وأبو حاتم والإمام وأئمة الإسلام إذا قال أحدهم بخلق القرآن كفروا ما بدعوا يدي الإمام أحمد كذلك بزرعة وأبو حاتم et d'autres parmi les imams dans l'islam lorsque une personne est tombée dans cette preuve plutôt dans cette balie à cette calamité qui est de dire que le Coran il est créé, ils disent directement lorsqu'ils entendaient cela, ils disent cette personne là est sortie de l'islam. Donc ils se sont pas ils n'ont pas demandé iqamatul hujja, ils ne sont pas venus pour cette personne-là et exposer la vérité, ils se sont suffis parce que c'est une chose qui est wadah, il n'y a pas besoin d'exposer. Non, c'est la parole de l'imam Ishaq al-Sheikh qui est connu parmi les ulama de Najd. قال رحمه الله تعالى فإن الشخص المعين إذا قال ما يجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية. Il dit ça c'est dans les مسائل, dans les sujets qui sont pas wadih comme les autres. C'est-à-dire que tu peux trouver des preuves qui sont ambiguës et qui va faire que la personne, si jamais elle entend et qu'elle n'a pas fait l'effort de recherche qu'il faut, il va peut-être pencher vers l'apparence de ce que appellent ces textes-là. Donc il dit ces genres de personnes-là, tu n'as pas le droit de les rendre mubtadi' ou bien de les rendre mécréants qu'après que tu lui as exposé la vérité. Et les preuves, les aqwal de ces ulama-là sont énormes. Et Inch'Allah, si jamais on a la possibilité, on écrira sur cela un PDF. On va réunir ce qui a été évoqué sur cela. Combien il reste de temps? On se contente de cela ou bien on ajoute un bait? Sans vouloir alourdir, Inch'Allah. Si jamais le temps est imparti, on peut rajouter un vers, on le rajoute, ou sinon on se contente de cela. C'est comme tu vois. On se contente de cela? في هذا القدر إن شاء الله نعم كفاية ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تابع ثارهم إلى يوم الدين إن شاء الله نعم وإياك مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.